au coco. Si cette matin sonne et jusqu'à ouvert. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Oh, t'y vent qu'à vanter. Ce sur qu'à chercher flé pour y'au soucé. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Moi sorti anti-l'eau de vanille. Moi savais c'est où qui qu'a fini tout tout. Plus douce qui vous m'a poco je trouvé. Mais pas quoi que ça existait. Toutou West Indies, yeah. Pas ni bon de côté. Assis la tête pour moi ça peut aller. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Ah, dans un pays comme ça, c'est là tout seul moi t'ai fait rencontrer. West Indies, West Indies, West Indies, les moins yeah. Sentis anti-l'ont des vanille. Moi savais c'est où qui qu'a fini tout tout. West Indies, tout yeah. Qui vous m'a poco je trouvé. Mais pas quoi que ça existait du tout. West Indies, yeah. Mais du tout tellement douce après l'amour. Que même pas capable de faire du mal, baby. Mais du tout encore plus belle après l'amour. Que même pas capable de faire la paix. Mais du tout encore plus douce après l'amour. Qu'elle m'est pas capable de faire la paix, baby. Mais du tout encore plus douce après l'amour. Qu'elle m'est pas capable de faire la paix encore. Baby, love me. D'autre côté, assis la tête pour moi, ça peut aller. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Ah, dans un pays comme ça, c'est là tout seul, moi, t'es peut rencontrer. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. Moi, senti anti-l'eau de vanille. Moi, savais c'est où qui qu'a fini tout tout. Et tout ce qui vous m'a poco, je trouvais. Mais pas quoi que ça existait. Tout, tout. West Indies, yeah. Ooh, ooh. When you hold me, oh baby, little darling. Oh, décollage encore. Où nous a monté, monté, monté. West Indies. West Indies, West Indies, yeah. Oh, t'y vont qu'avanter. Je suis au cachet, je plais pour y'au soucé. West Indies, West Indies, West Indies, yeah. C'est moi sorti anti-l'eau de vanille. Mais ça va c'est où qui qu'a fini tout tout. West Indies, yeah. Tout ce qui vous m'a poco, je trouvé. Mais pas quoi que ça existait, tout tout. West Indies, yeah. Mais du tout encore plus douce après l'amour. Qu'elle m'est pas capable de faire souffert, baby. Mais du tout encore plus belle après l'amour. Qu'elle m'est pas capable de faire du mal. Mais du tout encore plus belle après l'amour. Qu'elle m'est pas capable de faire si belle.